Jardin avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux, microphone, avec Jean-Philippe Boisbriand. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce que Jean-Philippe a choisi? Toutes sortes de choses, de la musique qui sort d'un peu partout. D'Indonésie, entre autres, avec du gamelan et des trucs comme ça. Ensuite, on s'en va dans le prog sentimental. Et ensuite, on devient alternatif. Voilà, c'est comme ça. Et on commence. Thank you. Thank you. Thank you. pendant que Michel Legrand joue. Comme ça, on a commencé, comme vous voyez, c'est difficile de dire si c'était post-punk ou pré-punk. Ce qu'on a entendu, ça a commencé par Sarong Luang Alit Semara Dahana, la pièce Rejang Siwa, sur l'album Suara Semara, un des rares disques de gamelan fait dans les 30 dernières années, puis du style Sarong Luang. Voilà, et c'était vraiment très chouette. Ensuite, on est passé à Michael Oshie, qui faisait la pièce Kerry. Lui, il a inventé un instrument qui s'appelle le Mokara, qui veut dire « my friend », c'est ça, mon ami. Lui, c'est un Irlandais qui s'est promené pas mal. Il est allé au Bangladesh, il en a ramené une dysenterie, une hépatite, puis une sitar. Puis il a décidé de combiner le sitar avec le dulcimer pour faire son instrument. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Other Music, The Spirit is Willing, sur Incidents Out of Context de 83. Groupe qui, en fait, s'appelle, un ensemble qui s'appelle Other Music. Et David B. Doughty s'amuse à jouer avec toutes sortes d'instruments qu'on retrouve pas nécessairement partout. Et ça aussi, c'était plutôt chouette. On a terminé avec Tarawang Sawelas, la pièce Selalu, sur l'album One Sea, là, de 2017. Je trouve ça plus facile à prononcer que le finnois, quand même. Mais ça se peut que j'ai complètement tout faux. Ça serait pas du tout impossible. Puis Tarawang Sawalas, c'est un duo qui vient de Bandung. Puis ils jouent de la musique, de l'Est de Java, la musique sacrée de l'Est de Java, avec leur professeur qui s'appelle Pak Pupong Supena. Voilà, puis là-dessus, il y a Pak Jaja qui joue du Sekalipon. Voilà, et aussi Rabbi Biani, qui celui qui a enregistré et qui a mixé tout ça. Voilà, et ensuite, maintenant, ça va quoi vers le progressif mélancolique. Sentimental, oui, progressif sentimental. Voilà. I'd love to be I am on an open sea, just drifting as the hours go slowly by. Now I wonder if we'll be magical child. I found that the first time you smiled. And the more I get to know you, the more I am amazed to find in someone such tender, loving ways. Sunshine makes them high. I sing this grateful love song from a flower to a butterfly, from a flower to a butterfly. From a flower to a butterfly, to a butterfly. seasonal beast, like the starfish that drift in with the tide, with the tide. So until your blood runs to meet the next full moon, your madness fits in nicely with my own, with my own. Your lunacy fits neatly with my own, my very own. Today, and you weren't there to play, then I wanted to be with you. When you showed me your eyes, whispered low of the skies, then I wanted to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. When I lay still at night, seeing stars high in light, then I wanted to be with you. When the rooftops shone dark, all alone saw a spark, spark of love just to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. If I mention your name, turn around on a chain, then the sky opens up for you. When we grew very tall, when I saw you so small, then I wanted to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. Ça continuait comme ça. Tiens, on entend Alessandroni en même temps que je parle, voilà. Et là, on est passé du côté du prog sentimental, disons ça comme ça. Ça a commencé avec John Cale qui nous faisait Emily sur l'album Fear de 1974. D'ailleurs, dans ce bloc-là, on a vu beaucoup de monde qui ont eu de longues carrières. Donc John Cale, John Davis Cale dans le Carmarthenshire, voilà, au Pays de Galles. Lui aussi, il a fait beaucoup de choses, entre autres avec le Velvet Underground, mais il a travaillé avec plein de monde, The Modern Lovers, Patti Smith, Brian Eno, Terry Riley, etc. Puis il a étudié la composition grâce à la bourse Leonard Bernstein. Tu savais cela, Jean-Philippe? Ben oui, voilà, il le savait. Puis il a été dans le Dream Syndicate aussi, et plein de trucs. Puis il a fait une tournée, la dernière tournée dont on parle, en 2011. Voilà, car il a quand même, 75 ans maintenant. Voilà, et ensuite Brian Eno, Julie Whit, sur Before and After Science de 77. Je dois avouer que il m'arrive souvent chez moi le soir d'aller sur YouTube puis d'écouter un petit bout de Before and After Science. Jean-Philippe me dit, mais t'as pas sauté quelque chose? Mais peut-être. Mais si je l'ai sauté, il était pas sur ma feuille. Jean-Philippe est mêlé maintenant. Voilà. Il a eu peur que je fasse pas la nomenclature de quelque chose. Brian Eno, un type avec une forte influence sur beaucoup, beaucoup de monde. Il a travaillé avec Daniel Lanois, Road Trip, Caster, Harold Ball, David Bowie, des Talking Heads. Il a produit U2, la Raji, toutes sortes de trucs étonnants. Il a fait beaucoup d'installations sonores aussi. C'est un artiste multidisciplinaire complet. Puis j'avais lu déjà un truc qui s'appelait Une année aux appendices gonflés, qui était très drôle aussi, où est-ce qu'il raconte que ça se termine avec une crise d'appendicite. Kevin Ayers suivait avec la pièce Margaret sur Whatever She Brings, She Swing, Swizzing. C'est ça, voilà. Whatever She Brings, We Sing. Voilà. De 1972. Kevin Ayers aussi, qui a eu une belle carrière aussi, qui est décédé à Montaulieu, dans l'Aude, en France. Il a été avec Gong. On appelait la mouvance dite École de Canterbury. Il a été le premier bassiste de Soft Machine, etc. Puis il a fait une tournée avec Jimi Hendrix aussi. Mais en fait, il faisait la première partie de Jimi Hendrix, qui pouvait peut-être s'éterniser parfois si Jimi arrivait pas. Ensuite, Robert Wyatt nous faisait Sea Song sur Rock Bottom de 1974. J'aime beaucoup la voix de Robert Elidge Wyatt. Qui lui aussi a fait beaucoup de choses, quelques succès, d'ailleurs, aussi quelques succès commerciaux, beaucoup de succès critiques. Il a été dans Soft Machine, il a travaillé avec lui aussi plein de monde, mais ça en devient farfelu. Allez voir sa biographie. Comme il jouait de plusieurs instruments, il s'est promené un peu partout. Il a chuté d'un quatrième étage dans des circonstances qui ne sont pas éclaircies tout à fait, puis on ne sait pas si lui-même peut les éclaircir complètement. C'est difficile, mais ça l'a lancé dans une carrière solo, finalement. Puis ça a donné d'excellents résultats, et quand je dis sa voix est vraiment, vraiment extrêmement sympathique. À une certaine époque, il était encore plus aigu que ça, il était presque près du haut contre, puis c'est joli. Syd Barrett nous faisait Late Night sur The Mad Cat Laughs de 1970. Un peu difficile à gérer, pardon, Syd Barrett à une certaine époque. À cause de la consommation de LSD, c'est très difficile d'avoir une excellente concentration, d'être à l'heure à ses rendez-vous et de prendre du LSD en même temps. À moins d'être vraiment fait pour ça. Évidemment, un membre fondateur de Pink Floyd, par la suite, ils l'ont un petit peu laissé tomber pour l'aider aussi par la suite. Et je pense que si les membres de Pink Floyd l'ont laissé tomber, c'était parce qu'il était vraiment ingérable et non pas parce qu'il voulait se débarrasser de lui, parce que il avait une forte imagination et une voix très chouette aussi. Alors, Syd Barrett. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va aller voir? Oh mon Dieu, il y a du Genesis Porridge, du Broadcast, du Holden, un peu de Ferio, Fred Frith. Ah, ça fait longtemps que j'ai écouté du Fred Frith. Et Pram pour terminer l'émission. There were two reasons for me to look in a mirror. One was to see if my parting was straight. The second reason was to see if my tie was straight. Now I've grown up, and there's a third. Thank you. Thank you. ben c'est comme ça que ça se termine. Je peux vous dire, je peux vous l'affirmer que Benoît Arcand est là. Je le vois de mes yeux. Il est tout prêt à faire terrain vague pour vous. Qu'est-ce qu'on a eu pour le dernier bloc? Astrid Monroe et Genesis Porridge. When I Was Young sur l'album When I Was Young de 2001. Quelle est l'identité de cette personne, Astrid Monroe? Ben, c'est un producteur qui tenait pas à ce que son nom sorte parce que on parle de la sulfureuse Genesis Porridge. Genesis Porridge qui s'appelait au départ Neil, qui a changé d'identité. On dit qu'il s'appelait, voilà, Neil Andrew Megson. Et comme il était dans le groupe Koum, dans le mouvement Koum qui parlait de toutes sortes de choses, de prostitution, d'ésotérisme, de sadisme, etc., ben, les gens ne tenaient pas toujours à être associés à elle, comme ça. Voilà. Broadcast suivait avec Winter Now sur Haha Sound de 2003. Broadcast qui, malheureusement, c'est pas terminé maintenant. Il reste James Cargill, parce que malheureusement, Trish Kinnan est décédé. Trish Kinnan qui est décédé d'une pneumonie suite à la H1N1. À un moment donné, Broadcast, on en a mis souvent parce que c'est bon. Holden suivait avec Dans la glace sur l'album Fantomatisme de 2009. Où êtes-vous, Holden? Moquet et Armel de Pioline. Puis ça aussi, ben, vous savez, si vous écoutez notre émission régulièrement, qu'on en met régulièrement. Perio nous faisait The Shore sur l'album Medium Crash. Perio qui sort de... c'est ça qui est un groupe français de créé en 1994. Leur premier album, c'était I See Morning in Paris. C'est ça. Puis ils font du pop rock, qu'on dit. Bon, voilà. C'est post-punk. Fred Frith, la très jolie pièce Navarro, sur l'album Speechless. Très bon album aussi. Il y aurait énormément de choses à dire sur Fred Frith. En fait, trop. Trop, pratiquement. Fred Frith, on en a écouté beaucoup à une certaine époque. Je suis même allé le voir en spectacle et vous savez que je vais pas voir de spectacle régulièrement pour des raisons qui n'appartiennent qu'à moi. Mais il joue de plein d'instruments, mais principalement de la basse, de la guitare, un peu de xylophone aussi. Puis il a travaillé avec tellement de monde que ça en devient farfelu. Et on a terminé avec Cat's Cradle du groupe Bram sur un album qui s'appelle The Museum of Imaginary Animals de 2000. Puis Bram, c'est un groupe qui vient de Moseley, Birmingham, en Angleterre. Rock expérimental, pop bien fait. Voilà. Groupe du Royaume-Uni dans lequel il y a eu beaucoup de monde qui sont passés, eux qui sont actifs, ils ont été actifs de 88 à 2008 et ensuite depuis 2016. C'est tout pour nous. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est à la semaine prochaine.